Balance ton quoi, Angèle, sur RGM. Presque 8h40, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 3 décembre. On commence en 1930 avec la naissance de Jean-Luc Godard, réalisateur français à qui l'on doit entre autres À bout de souffle, Une femme et une femme, Masculin, féminin ou encore Sauf qui peut, La vie. 1953, naissance de Robert Guédiguian, réalisateur français à qui l'on doit L'argent fait le bonheur, Marius et Jeannette, La vie est tranquille, Les neiges du Kilimandjaro ou encore Au fil d'Ariane. 1960, naissance de Daryl Hannah, actrice américaine vue dans Blade Runner dans le rôle de Pris, Wall Street, Les Grincheux 1 et 2 dans le rôle de Melanie Gustafson ou encore Kill Bill volume 1 et volume 2 dans le rôle de Elle Driver. C'est également l'année de naissance de Julianne Moore, actrice américaine vue dans Le Monde Perdu de Jurassic Park dans le rôle de Sarah Harding, The Big Lebowski, Hannibal, The Hours, Still Alice dans le rôle du docteur Alice Holland, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice et vue également dans Hunger Games, La Révolte partie 1 et partie 2 dans le rôle de la présidente Alma Cohen. 1968, naissance de Brendan Fraser, acteur américain connu pour son rôle de Rick O'Connell dans La Momie, Le Retour de la Momie et La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon, vu également dans Voyage au Centre de la Terre ou encore G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. 1970, naissance de Christian Carambeu, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 1990 à 2005 en jouant à Nantes, au club de Sampdoria, au Real Madrid, à Middlesbrough, à l'Olympiakos, au Servette FC et enfin au SC Bastia, champion du monde 98 et champion d'Europe 2000. 1972, naissance de Sébastien Roch, comédien français, connu pour son rôle de Christian dans Hélène et les garçons, Les vacances de l'amour ainsi que Les mystères de l'amour, vu également dans les séries Sous le soleil et Profilage. 1973, naissance d'Olly-Marie Combs, actrice américaine, vue au cinéma dans Né un 4 juillet ou encore Ocean's Eleven, connue pour son rôle de Piper Halliwell dans la série Charmed, vu également dans la série Pretty Little Liars dans le rôle d'Ella Montgomery ou encore récemment dans la toute nouvelle saison de Grey's Anatomy où elle est apparue dans un épisode aux côtés d'Alyssa Milano. 1974, naissance de Marie Drucker, journaliste animatrice télé française. 1985, naissance d'Amanda Seyfried, actrice américaine vue dans Lolita, Malgré moi, Mamma Mia, Here I Go Again, dans le rôle de Sophie Sheridan, en 2012 dans Les Misérables où elle a incarné Cosette et vue dans les séries As the World Turns ou encore Big Love. 1994, naissance de Vaimalama Chavez, Miss France 2019. 1995, naissance d'Angèle, chanteuse belge. Et tout de suite on écoute Scatman, oui Scatman John, chanteur américain décédé il y a 20 ans maintenant et connu mondialement pour le titre Ski Ba Bop Ba Dop Bop. On écoute ça tout de suite. I'm a scat man. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Yo, Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Sur le 107 FM, un peu plus de 8h46, on fait tout de suite un point météo. La météo. Ce matin, il y a un petit peu de brouillard par endroit, hein, soyez vigilants. Mais par exemple, à Saint-Étienne-lès-Miremont, nous avons un grand ciel bleu avec du soleil. Ça fait vraiment du bien. Des températures du coup qui sont fraîches, hein, ce matin, entre moins 2 et 0 degrés. Pour cet après-midi, entre 4 et 5 degrés. Mercredi, on aura encore une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin. Entre 3 et 4 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi, du soleil. Également des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, entre 3 et 5 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On parle football avec la Ligue 2 et Nancy qui s'est inclinée hier soir à Caen sur le score de 1-0. Il y a de la Ligue 1 ce soir avec Angers face à Marseille, Bordeaux qui reçoit Nîmes, Brest, Strasbourg et Lyon, Lille. On parle du Ballon d'Or qui a été remporté, bon, sans grande surprise, hein, par Lionel Messi qui remporte ainsi son 6e Ballon d'Or. Il devance au classement Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo 3e, Mané 4e, Salah 5e, le premier français c'est Kylian Mbappé 6e, Antoine Griezmann se classe 18e de ce classement, Hugo Lloris lui est 23e, Karim Benzema est 26e à égalité et Kalidou Koulibaly qui est de Saint-Dié-des-Vosges, hein, je vous le rappelle, et bien lui s'est classé 24e à égalité de ce Ballon d'Or. On continue dans les récompenses, le Ballon d'Or féminin a été remporté par Megan Rapinoe qui devance au classement Lucie Bronze et Alex Morgan. Le trophée Yakin a été remporté par Alison Baker qui récompense le meilleur gardien et le trophée Copa qui récompense le meilleur jeune attribué à Mathis De Ligt. Et enfin on termine avec du handball féminin et le mondial et ce matin à 11h France-Australie. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Soprano et le titre Le coach. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. Oui, tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. Abdo chips, pompe, barre. Abdo chips, pompe, barre. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo chips, pompe, barre. Abdo chips, pompe, barre. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé. Secondes de récup et on repart. Voilà, Soprano, le coach sur RGM. Il est un peu plus de 8h52. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h30, ce sera durablement vôtre. À 10h30, vous devriez retrouver normalement Plus belle la vie. À 18h30, ce sera Kaizen. 20h, La parole est à vous avec Michel. 22h, J'ai mais je vous le lis. Et 23h, 20 Flight Rock. Et tout de suite, ce sera Georges qui nous parle du mouvement des coquelicots et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.